Roule avec tes OG, on passe le PHO. J'roule une putain d'OGI, enroulé le PHO. Dans la trap house, c'est une orgie, écoute pas les ragots. Va dormir dans les orties avec les charlots. Comment ça, ils t'ont puté? Elle monte sa main, ils montent tous ses doigts. On vient avec de la flotte au cap. Ramenez-nous de la consomme froide, de la cheesy qui vient des copies de Medard. Amsterdam City Gang, Amsterdam City Gang. Je veux fumer que du pilon bien gras, je serai heureux lorsque mon dealer viendra. Amsterdam City Gang, Amsterdam City Gang. Ramenez-nous de la consomme froide, de la cheesy qui vient des copies de Medard. Amsterdam City Gang, Amsterdam City Gang. Je veux fumer que du pilon bien gras, je serai heureux lorsque mon dealer viendra. Amsterdam City Gang, Amsterdam City Gang. Je suis dans un GT continental, je fume de la LA confidentielle. Je sais très bien que vos slips sont sales, toi tu sais très bien que nos slips sont gras. Tu as proximité de la promiscuité, je fume de la coupe qui couche au goût biscuité. Ces putains de douaniers ne mourront pas, je suis même prêt à sauter mon repas. Évite les gendarmes mobiles et la queue bas, on a des trésors de guerre dans l'avocat. Je vous envoie un freestyle orbital et je roule un joint avec une clope cristal. Mon pilon chauffe et bulle, je fume des molécules, on en est qu'au début, je vous reconnais plus. Je fais tourner à Ouidim, mes pirates du bitume, on est tous assidus ici, balaoui du mec, on mène la vie dure, on veut se relaxer. Cesser la scène et d'acclamer les faux. Ceux qui m'ont mis bien, t'inquiète pas, je les mets haut. Je suis le caméléon, je fume du caramello. Moi je veux gagner des ronds, toi tu crames mes défauts. Vas-y fiston, faut bien cacher le bédo. Rotterdam, Breda, les sacrés ghetto. Je termine mon joint et je pense à mes frérots. Ramenez-nous de la course, un peu froid, de la cheesy qui vient des copies de Medard. Amsterdam City Gang, Amsterdam City Gang. Je veux fumer que du pilon bien gras, je serai heureux lorsque mon dealer viendra. Amsterdam City Gang, Amsterdam City Gang. Ramenez-nous de la course, un peu froid, de la cheesy qui vient des copies de Medard. Amsterdam City Gang, Amsterdam City Gang. Je veux fumer que du pilon bien gras, je serai heureux lorsque mon dealer viendra. Amsterdam City Gang, Amsterdam City Gang. J'fume du fromage bleu de la métropole. J'reviens de dame et j'ai ramené trop de drogue. J'recherche des diamants noirs, j'suis l'archéologue. Mec, je côtoie des sacrés gogoles. Je me faisais sucer mon bouchon de liège par des becs de lèvres qui ont des boutons de fièvre. Sur mon siège, je sirotais un biberon de bière. Quand soudain on arrivait à la frontière, j'ai corrompu le gardien et la concierge. Dédicace à Valenciennes et à Compiègne. J'pourrais faire le tour de France en montgolfière. Partout j'viens représenter les gogolfières. Mongol, Dorak, charge d'armes, Tchécoslovaque. J'ai de la salade, du chocolat et même de la poudre qui vient de Bogota. Dis rien sur ton putain de Motorola. Il y aura des années de prison au total. Hola sodomisque, des filles monogames. 91 Basco, c'est Vatos Locos. Toi tu aimes consommer du matos locos. Moi c'est que de la frappe que je te propose. La merde remonte à la surface l'Holocauste. La merde remonte à la surface l'Holocauste. Pute. Ramenez-nous de la course, un peu froid, de la cheesy qui vient des copies de Medard. Amsterdam City Gang, Amsterdam City Gang. Je veux fumer que du pilon bien gras, je serai heureux lorsque mon dealer viendra. Amsterdam City Gang, Amsterdam City Gang. Ramenez-nous de la course, un peu froid, de la cheesy qui vient des copies de Medard. Amsterdam City Gang, Amsterdam City Gang. Je veux fumer que du pilon bien gras, je serai heureux lorsque mon dealer viendra. Amsterdam City Gang, Amsterdam City Gang. De vitesse, saison 2016, champagne demi-sec. J'en ai rien à foutre d'aller m'asseoir sur le canapé rouge de Michel. Plus le temps de faire des devinettes. Changement de vitesse, saison 2016, champagne demi-sec. J'en ai rien à foutre d'aller m'asseoir sur le canapé rouge de Michel. Squat.